tour. Moins d'espace, le monde tourne, on fait du surplace. Plus de réseaux, moins on se parle vraiment. On kiffe en surface, l'enfer c'est les autres dans ce paradis de ciment. Plus on apprend, moins on sait, plus on le dit. Moins on sème des villes à cran sous 30 scènes, des bâtiments. On saigne, y'a plus de remèdes et moins de guérison. Trop de merde, plus de chaînes de télé et moins de vision. Plus de corps mêlés, de chair, plus de sexe et moins d'envie. On se tue à gagner sa vie sans la vivre. Je me cherche plus de technologie et moins de temps. Plus d'ogives, de tank, moins de logique, plus de printemps. Plus de strass, moins de héros, moins de réel, trop de reality show. À l'échelle de la planète, on est que des rêves, des petites choses. 7 milliards sous le ciel, à vivre ou à faire semblant. On tombe, on se lève, on danse, on vibre en attendant. À mes grands frères, salam. À mes ancêtres, salam. 7 milliards sous un ciel artificiel, salam. Et plus on saigne et moins on sème et le potentiel, salam. Plus on l'enseigne et moins l'amour est essentiel, salam. Plus de procédures, moins d'objectifs, plus de murs, plus de disques durs et moins de mémoire collective. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Fuck leur icône, pour moi c'est kiff, kiff. Plus de chief, kiff, moins de Biggie Small. Plus de roulette russe. Moins de glamour, moins d'héritage. Plus de virus, moins d'amour, plus de VIH. Plus de lâche, moins de risques forts. Plus de clash, plus de disques d'or. Beaucoup moins de disques d'hommes. Plus de calme dans mon verre, moins d'expérience. Je me vide, plus de diamants dans mon bled. Moins d'espérance, de vie. Plus de boss, moins de paris sous les bombes. Plus de single bof, moins de monsieur Bors sur les ondes.